Il est minuit et demi. Une automobile ralentie s'arrête le long du trottoir devant un grand hôtel. Un homme, assis à l'arrière, sort de la voiture, remercie encore une fois les amis libanais qui l'ont reconduite à son hôtel. La portière claque. Deux silhouettes sortent de l'ombre, bondissent. L'une plaque l'homme contre la carrosserie, tandis que l'autre brandit une arme munie d'un silencieux. Trois coups de feu étouffés, c'est fini. L'homme s'écroule. Déjà, les deux tueurs s'enfuient, ils menacent de leur arme des passants intrigués et disparaissent dans la nuit. Ces professionnels, pour ne laisser aucun indice, ont pris soin d'entourer leur pistolet d'un sac plastique afin de récupérer les douilles. Cette scène s'est passée le 8 juin 1992, en plein Paris, devant l'hôtel Méridien Montparnasse. L'homme assassiné s'appelait Atef Pseso. C'était un important responsable palestinien. Peu de temps après, un général, membre des services de renseignement de l'État hébreu, a affirmé que Pseso était l'un des planificateurs de la prise d'otages de Munich, au cours de laquelle 11 athlètes israéliens avaient trouvé la mort. Le Palestinien semblait donc être la dernière victime de ce qu'on a appelé la liste de Golda, une liste établie en 1972 à l'initiative du premier ministre israélien de l'époque, Golda Meir, c'est-à-dire le recensement de tous ceux qui avaient participé à la préparation et à l'exécution de la prise d'otages revendiquée par Septembre Noir. Des hommes qui ont été traqués dans le monde entier et qui ont été abattus les uns après les autres par une cellule secrète du Mossad. Mais tous étaient-ils responsables? Et cette vengeance systématique n'a-t-elle pas dissimulé d'autres objectifs moins avouables? C'est l'une des questions que se propose d'examiner M. X. La semaine passée déjà, mon interlocuteur avait mis en évidence un des mystères de cette affaire. La lumière sur le massacre de Munich n'a jamais été faite et on ne sait toujours pas comment les athlètes ont été tués puisque les rapports d'autopsie n'ont pas été publiés. Mais d'après M. X, Allemands, Israéliens et Palestiniens avaient pour des raisons différentes la même volonté de taire la vérité. Les Allemands, parce que ce sont peut-être des balles de leurs policiers qui ont tué les athlètes, les Israéliens, parce que ce massacre a permis de dégrader encore un peu plus l'image des organisations palestiniennes, et les Palestiniens, enfin, parce que, du propre aveu du cerveau de l'opération, Abu Daoud, cette spectaculaire prise d'otage a galvanisé des troupes démoralisées. Dans un instant, donc, la suite, c'est-à-dire l'histoire de la liste de Golda. Officiellement, pour les autorités israéliennes, la liste de Golda Meir n'a jamais existé. Encore aujourd'hui ? Oui, et je me souviens avoir vu il y a quelque temps à la télévision une excellente enquête de vos confrères Arnaud Hamelin et Emmanuel François au cours de laquelle Shimon Peres, qui occupait déjà de hautes fonctions à l'époque, niait avec la plus grande fermeté quant à Yitzhak Shamir, premier ministre au moment où le dernier de la liste, un certain Atef Pseso, a été abattu à Paris. Il affirmait sans rire avoir perdu la mémoire. Bon, c'est pas très étonnant, hein, un État peut difficilement reconnaître qu'il a commandé des assassinats dans des pays étrangers. Vous avez raison, mais un général israélien a vendu la mèche en 1993. Ah bon, qui alors? Aaron Yarif, un homme qui a occupé des fonctions de premier plan dans les services secrets de son pays. En 1972, il était même conseiller de Golda Meir pour les questions de terrorisme. Ah, il était donc bien placé pour savoir. C'est évident. Ouais. Mais qu'est-ce qui lui a pris, si j'ose dire? Yarif a prétendu après coup qu'il avait été piégé par un journaliste de la télévision israélienne. Caméra cachée? Non, pas du tout. Non, mais ces révélations ont provoqué un tel tollé que le général a cru bon de se trouver cette mauvaise excuse. Le premier ministre Yitzhak Rabin lui a bien ordonné de se taire, mais il était trop tard. Oui. Alors qu'a dit exactement ce général Yarif, c'est ça? Mais il déclare d'abord, et c'est une première, que tout de suite après Munich, les autorités israéliennes ont décidé d'organiser méthodiquement la liquidation des chefs de Septembre Noir. Et il affirme ensuite que l'opération n'était pas géographiquement limitée, c'est-à-dire que ces Palestiniens seraient frappés partout là où ils se trouvaient. Mmh. Mais n'a-t-il pas eu un débat au sein du gouvernement israélien? D'après Yarif, il y a eu effectivement débat, mais Golda Meir avait une personnalité très forte. Une autre dame de fer. Certainement, et c'est son avis qui l'a emporté. Mais toujours, selon Yarif, elle a donné son feu vert au coup par coup. Et combien d'hommes ont été abattus? Une dizaine, affirme Aaron Yarif. Et concrètement, alors, comment l'opération a-t-elle été mise au point? La mission a naturellement été confiée au Mossad. Son chef, le général Zvi Zamir, était d'ailleurs sur les mêmes positions que Golda Meir. Il estimait lui aussi qu'il fallait lutter à outrance contre les terroristes palestiniens. À la demande du Premier ministre, il a donc constitué une cellule ultra secrète chargée d'exécuter ces liquidations. Et à sa tête, il place un homme d'action, un certain Mike. Vous ne connaissez que son prénom ? Bien sûr que non. Mais c'est vrai que très longtemps, son identité est demeurée mystérieuse. Ah, dites-moi ce que vous savez, alors. Son nom, c'est Harari. À l'époque, il doit avoir une bonne quarantaine d'années. Tout jeune homme, il avait combattu au cours de la première guerre israélo-arabe dans les rangs du Palmar. Une organisation armée plutôt située à gauche. Hein. Même à l'extrême gauche. Ouais, ouais. Puis après l'indépendance, il est entré dans les services de renseignement. D'abord au contre-espionnage, le Shin Bet, puis au Mossad. En 1972, c'était un homme d'expérience qui avait déjà accompli de nombreuses missions difficiles et qui était réputé pour sa dureté. Le Midwan, donc. Mais certainement. Mais pour satisfaire tout à fait à votre curiosité, il faut parler de la suite de sa carrière et du fiasco de Lillehammer. Ça, je me souviens, c'est l'assassinat d'un serveur marocain que les tueurs du Mossad avaient pris pour un chef de Septembre Noir. Hein, vous avez une bonne mémoire, car nous avons parlé de cette affaire il y a quelque temps déjà. Donc, après cette malheureuse affaire, Harari doit prendre du champ. Il ne quitte pas le Mossad, mais il est éloigné et on lui confie le poste de Mexico. Et on le retrouvera quelques années plus tard comme conseiller, même bras droit du président panaméen. Noriega ? Lui-même. Drôle de reconversion hein, pour un type qui a commencé à l'extrême gauche. En effet, mais Harari prendra soin de rester dans l'ombre. On ne possède par exemple qu'une photo de lui en compagnie du général Noriega. J'ajoute, mais ça ne vous étonnera pas, que Mike Harari a donné de précieux conseils aux hommes qui luttaient contre la guérilla en Amérique du Sud. Des conseils En matière d'interrogatoire, par exemple. Ah oui, ce que vous voulez dire. Et à l'époque, Noriega, Harari était-il toujours en service pour le Mossad ? Je vous ai dit il n'y a pas si longtemps que lorsqu'on avait appartenu à un service secret, on n'en sortait jamais vraiment. Par conséquent, je suis persuadé qu'il a gardé le contact. En outre, il est évident qu'il a collaboré avec la CIA. Mais Noriega lui-même était un agent de la centrale américaine. Exact, hein. Oui, oui. Et quand les Américains alors, ont lâché Noriega en l'accusant d'être un des plus importants trafiquants de drogue du continent ? Harari a curieusement disparu avant même que les GIS envahissent le pays. Curieusement, hein ? Oui, à mon avis, les Américains qui n'avaient rien à refuser à un agent israélien se sont débrouillés pour prévenir Harari. Peut-être même l'ont-ils exfiltré eux-mêmes du Panama. Et ensuite ? On m'a dit que Harari était revenu en Israël, où il ferait une carrière d'homme d'affaires, dans les assurances, je crois. Bon. Alors, revenons à la liste de Golda. Hein. Volontiers. Quelle est la première cible ? Il s'appelle Wael Zouaiter, et il est attaché culturel de l'ambassade de Libye à Rome. En octobre 72, donc très peu de temps après les tragiques événements de Munich, Zouaiter est attendu par deux tueurs dans l'entrée de son immeuble. Il n'a même pas le temps de réagir. Il est abattu de plusieurs balles de calibre 22. Les armes étaient munies de silencieux. Et les deux assassins ont pu sortir du bâtiment sans être inquiétés. Mais avait-il partagé avec Septembre Noir, lui ? Pour les Israéliens, Zouaiter, membre du Fatah de Yasser Arafat, était l'officier de liaison de Septembre Noir en Italie. C'était vrai ? Qu'il ait été membre du Fatah, c'est incontestable. Mais qu'il était lié aux terroristes du Munich, ça c'est autre chose. Ah, il y a un doute alors. Un sérieux doute même. Et dès ce premier assassinat, on peut se poser la question. Est-ce que les Israéliens ont vraiment décidé de liquider les auteurs de la prise d'otage de Munich ? Ou est-ce qu'ils profitent de l'émotion légitime suscitée en Israël et du désir de vengeance de la population pour se débarrasser de quelques personnages gênants ? Des Palestiniens qui, par exemple, sont très influents dans le pays où ils résident. Et c'était le cas là de ce Zouaiter ? Incontestablement. Il avait de nombreuses relations politiques en Italie. Et les Israéliens pouvaient craindre, non sans raison, que des hommes comme lui finissent par convaincre l'opinion italienne et le personnel politique de la légitimité de la cause palestinienne. Mais pour être tout à fait juste, je dois ajouter que Wael Zouaiter avait fait quelque temps plus tôt une déclaration très imprudente. Quoi ? Il avait suggéré que les Israéliens, au fond, avaient choisi d'être inflexibles à Munich parce qu'ils espéraient tirer un bénéfice politique de la mort de leurs otages. Ce qui était... plus qu'imprudent, et puis, pardonnez-moi l'expression, assez dégoûtant, non ? Sans doute. Alors en ont-ils tiré la conclusion que seul un membre de Septembre Noir pouvait faire une telle déclaration, si possible. Mais, par la suite, certains assassinats seront beaucoup moins défendables. Le journaliste israélien Uri Dan, auteur d'un ouvrage intitulé « Opération Vengeance », a lui aussi rencontré le général Aaron Yariv. Voici comment il raconte cette interview. Yariv affirme d'abord que c'est lui qui a établi la liste et l'a donnée à Golda Meir. Je cite Uri Dan. Dès septembre 1972, il lui remet la liste qui sera ultérieurement appelée liste de Golda. C'est la liste de tous ceux qu'ils vont tous deux condamné à mort pour l'assassinat à Munich des athlètes israéliens. À quelle source Golda Meir puisse-t-elle la force morale d'ordonner la liquidation de ces Palestiniens? Au cours d'un de nos entretiens, Aaron Yariv me donne une réponse prudente. Golda se prenait tout d'abord pour la mère de la nation, avant de se considérer comme chef de gouvernement. Pour elle, la tuerie de Munich est une affaire personnelle. C'est comme si on avait assassiné ses propres enfants. Elles se sont donc tenues de punir les meurtriers, de venger les victimes et de dissuader d'autres actes de ce genre. Question d'Ourida. Comme ça, sans autre forme de procès, en juge unique et souverain? Réponse. C'est pour cela qu'elle exigeait des preuves irréfutables que l'individu ainsi voué à la mort était bien impliqué dans l'acte criminel. Nos services secrets ont donc fourni ces preuves irrécusables, documents, télégrammes, appels téléphoniques enregistrés, empreintes digitales. Le livre d'Ouridan a été publié en 1996 par les presses de la cité. La liquidation suivante nous concerne directement puisqu'elle s'est produite sur le territoire français, à Paris même. Qui? Mahmoud Anchari. C'est le représentant officiel de l'OLP à Paris. Oui, une sorte d'ambassadeur. Oui, même s'il n'en a pas le titre, puisqu'il n'existe pas d'État palestinien. Mais Anchari entretient des relations constantes avec le Quai d'Orsay. C'est dans le droit fil de la politique française. Oui, la politique gaulliste de rapprochement avec les pays arabes. C'est ça. En plus, de façon assez cynique, en acceptant que l'OLP soit officiellement représenté en France, notre pays achetait la paix. Oui, la paix sur notre sol. Évidemment, et vous le savez sans doute, mais il existait une sorte d'accord tacite entre les autorités françaises et les Palestiniens. Tant que ces derniers ne se livraient pas à des activités délictueuses, trop voyantes sur notre sol, nous fermions les yeux. C'était la notion de sanctuaire. Oui, il fallait à tout prix éviter que des actes terroristes frappent notre pays. Et c'est Carlos qui brisera finalement cet accord au milieu des années 70. Mais en 72, il est toujours en vigueur. Et dans les services, est-ce qu'on approuve? Ça, c'est moins simple. Jusqu'à la guerre des six jours et à l'embargo militaire décidé par le général de Gaulle, nous avions d'excellents rapports avec le Mossad. La coopération était en quelque sorte historique. Oui, ça a changé Oui et non. Au SDEC, par exemple, on gardait le contact. Après tout, en cette période de guerre froide, les Israéliens étaient du bon côté du manche. Et à la DST, on était beaucoup plus circonspect, parce qu'on se méfiait de l'espionnage israélien en France. On n'avait pas oublié l'affaire des vedettes de Cherbourg, mais aussi le vol des plans du Mirage. Enfin, revenons à Anchari et à l'opération qui se trame contre... Une question avant, là. Oui. Représentant de l'OLP à Paris, c'est certainement un proche de Yasser Arafat. Naturellement. Alors, a-t-il été mêlé à la prise d'otage de Munich, puisque vous avez dit que Septembre Noir était une couverture pour les activités du Fatah? Et pas seulement du Fatah. D'autres mouvements palestiniens ont utilisé cette signature. Alors, Anchari, honnêtement, je ne sais pas. Mais il faut noter que les hommes du commando de Munich ne sont pas passés par la France. Ils sont arrivés directement en Allemagne. Et c'est en Allemagne que Abu Daoud a tout préparé. Dans ces conditions, je ne vois pas comment Anchari aurait pu jouer un rôle dans cette dramatique affaire. Je sais pas, moi, les armes auraient pu passer par la France? C'est vrai. L'homme qui a transporté les armes a en effet transité par Paris. Il venait d'Alger et se rendait à Francfort. Mais au cours de ce transit, les armes ne sont pas sorties de l'aéroport d'Orly. Et cet homme? C'était le numéro 2 de l'OLP, Abu Liad. Et disons-le tout de suite, c'était le vrai chef de Septembre Noir. Mais nous en parlerons de ce personnage. Parce que lui aussi était sur la liste de Golda? C'était inévitable qu'il y figure un jour ou l'autre. Mais pour vous, Anchari, lui, n'était pas dans le coup. Et d'ailleurs, dans les services, on était persuadé que le Palestinien n'avait rien à voir avec Munich. Par contre, il est vrai que la présence à Paris de ce représentant officiel de l'OLP agaçait beaucoup les Israéliens. Oui, donc vous estimez qu'on s'est attaqué à lui d'abord pour cette raison? Je le pense. Les Israéliens considéraient que le seul fait d'être un représentant de l'OLP lui conférait une responsabilité dans la tuerie de Munich. Et ça suffisait pour envisager son assassinat. En outre, Golda Meir devait donner des gages à l'opinion israélienne qui avait vécu douloureusement l'affaire de Munich. Même si Israël ne revendiquait jamais ces assassinats. Bien sûr. Les revendications étaient non seulement impossibles, puisque ces liquidations étaient exécutées à l'étranger, mais elles étaient inutiles. En Israël, on savait bien que lorsqu'un Palestinien était tué quelque part dans le monde, c'était le Mossad qui était passé à l'action. Ah, d'accord, alors. Comment Anchari a-t-il été assassiné? À Rome. La méthode utilisée pour abattre Zouéter n'était pas très sophistiquée. Non. À Paris, les hommes du Mossad devaient jouer plus finement. Pourquoi? Parce que Anchari bénéficiait d'une protection. Des gardes du corps? Non, c'était des policiers de la DST qui veillaient sur lui. Parce que la DST, donc notre service de contre-espionnage, savait qu'il était menacé. Oui, une visite discrète que le chef du Mossad avait effectuée à Paris n'avait pas échappé à notre contre-espionnage. C'est-à-dire une visite qui pouvait laisser penser que quelque chose se préparait ? C'est certain. Et puis il y avait l'exemple italien. Après l'assassinat de Zwetter, il était légitime de penser que d'autres représentants de l'OLP allaient être visés. Par conséquent, le Mossad devait agir différemment. Et sur le plan technique, en tout cas, les agents israéliens vont procéder avec maestria. On dirait que vous êtes admiratif. Enfin, je n'approuve pas l'assassinat, j'admire la technique, c'est autre chose. Enfin, il n'empêche, enfin. Bon, allez, comment ça s'est passé ? Comme d'habitude, les Israéliens ont d'abord surveillé étroitement Amchari. Il fallait tout connaître de ses habitudes, de son emploi du temps. Et sans se faire repérer par les policiers de la DST. Bien sûr, ça n'a pas dû être facile. Mais c'est l'essentiel, ils ont noté que lorsque le Palestinien s'absentait de son domicile, la surveillance de son immeuble était moins rigoureuse. Ce qui est logique. Et ça a permis à un des agents du Mossad, déguisé en ouvrier, de s'introduire dans le bâtiment et de pénétrer dans l'appartement de Amchari. Là, il ou elle, car les Israéliens utilisaient aussi beaucoup de femmes, a soulevé une lame de parquet et placé une petite bombe. Mais pas n'importe où. Juste sous l'endroit où était posé le téléphone. Parce que la bombe, elle a été tractionnée par le téléphone ? Non, mais écoutez la suite. L'agent vérifie qu'il n'a laissé aucune trace de son passage et ressort. Le lendemain matin, une équipe du Mossad est en planque dans les environs. Comme tous les jours, la femme du Palestinien sort de l'immeuble pour conduire sa fille à l'école. Amchari est alors seul chez lui. Il suffit maintenant de lui donner un coup de fil depuis une cabine téléphonique. Oui, pour qu'il se trouve au-dessus de l'endroit où a été dissimulée la bombe. Exactement. Et au moment où il décroche, un membre du commando active une commande à distance. Un émetteur radio ? Qui actionne le détonateur de la bombe. Amchari est tué ? Pas sur le coup, non. Il a une jambe arrachée et mourra un mois plus tard à l'hôpital. J'imagine que le Mossad est aussitôt montré du doigt. Bien entendu. Mais Israël dément avec la plus grande vigueur. Ouais, toutefois, ça ne trompe personne. D'autant qu'il existe à l'époque que très peu d'organisations capables de perpétrer un tel attentat. Ouais. Vous n'avez pas dit, au fait, quand cet assassinat a eu lieu ? Je crois que c'était en décembre. Donc, décembre 72, oui, hein, c'est oui, ça. Oui. Oui. Et en Italie, c'était en octobre. Oui. Ce sont les mêmes hommes, enfin les en mêmes agents ? En tout cas, des gens appartenant tous à ce commando dirigé par Micarari, oui. C'était nombreux, enfin. Combien exactement ? Ça, je ne sais pas. Mais je suis à peu près certain qu'au moins une vingtaine d'agents du Mossad a été mobilisés pour exécuter cette mission très spéciale. Car dans ce genre d'opération, une solide infrastructure doit entourer les tueurs. Des guetteurs, des types qui organisent les transports, louent les voitures, effectuent les repérages, etc. Rien ne doit être laissé au hasard. À la fois pour assurer le succès de l'opération, mais aussi pour éviter que le Mossad ne soit compromis. Et le suivant sur la liste ? Un certain Hussein Abdel-Eir. Un représentant de l'OLP également ? Non, pas officiellement en tout cas. Mais Abdel-Eir, qui résidait habituellement à Chypre, était certainement lié à Septembre Noir. Ça suffisait pour que son nom soit sur la liste. Et les types du commando Harari ont profité de l'une de ses absences de sa chambre d'hôtel pour placer une bombe sous l'oreiller de son lit. Une bombe semblable à celle qui a tué Amchari. Oui, mais ils ont perfectionné le système. D'après ce que j'ai appris, c'est d'un hélicoptère qui survolait l'hôtel que l'agent du Mossad a activé le détonateur. Toutefois, il faut le souligner, les Israéliens n'avaient encore liquidé que des comparses ou des gens qui n'avaient aucune responsabilité dans la tuerie de Munich. Il leur fallait maintenant frapper à la tête. Dans leur ouvrage sur l'histoire de l'espionnage mondial, paru en 2 tomes aux éditions du Félin, Genevefa, Étienne et Claude Moniquet donnent des détails sur la façon dont a été constituée la liste de Golda. C'est dans la période de deuil qui suit le retour en Israël des dépouilles des victimes que la commission X est créée, l'un des groupes les plus secrets de l'establishment occulte israélien. La charge de la commission X n'est pas banale, c'est le moins que l'on puisse dire. Ce sont ces membres qui, après avoir soigneusement étudié le dossier et écouté divers avis, voire, dit-on, organisé un véritable procès secret in absentia avec procureur et avocat de la défense, qui dressent la liste. Ce document recense ceux des terroristes que l'État hébreu condamne à mort. Il faut, bien entendu, pour se retrouver sur la liste, l'avoir amplement mérité. Et aucun nom n'y est porté par hasard. C'est qu'une fois inscrit, il ne peut être effacé que par la mort, qu'elle soit accidentelle, naturelle ou, et c'est souvent le cas, le fait du service action du Mossad. Nul, même le Premier ministre qui préside les travaux de la Commission, n'a le pouvoir de gracier un condamné, et même s'il lui faut 10 ou 20 ans, le Mossad, s'il en a l'occasion, exécutera celui qui a été désigné. Il se dit d'ailleurs dans les milieux autorisés qu'il arrive que certains dirigeants palestiniens extrémistes tentés d'aller trop loin, mais jugés amendables, soient prévenus. Attention, tu vas te retrouver sur la liste. Une menace qui produirait d'autant plus les effets recherchés que celui qu'on a averti sait pertinemment ce qu'il l'attend s'il lui échoit le douteux privilège d'être listé. C'est en janvier 73 que Hussein Abdelhir est assassiné à Chypre. Et ça continue sur le même rythme à Athènes. Un membre de Septembre Noir, censé préparer un attentat contre l'ambassade israélienne, saute sur une bombe. Le lendemain, un intellectuel palestinien, Basil Al-Kubaisi, est abattu à Paris, à quelques centaines de mètres de l'Élysée. Et lui avait un rapport avec Munich, là ? Non, à ma connaissance, mais c'était un propagandiste actif. Vous avez parlé là, de ce Palestinien d'Athènes qui préparait un attentat. Bon, les Palestiniens, justement, ne font-ils rien pour répliquer ? Bien sûr que si. À la même époque, au début 73, un agent du Mossad est assassiné à Madrid. Mais les Palestiniens n'ont pas la force de frappe des Israéliens. Et ces derniers vont le montrer de façon spectaculaire en avril 73. Et cette fois-ci, ils vont agir à visage découvert, si je puis dire, car ils vont revendiquer leur action. De quoi s'agit-il là ? De l'opération intitulée « Printemps de la jeunesse », et qui porte bien mal son nom, je vous l'ai dit. Les Israéliens voulaient frapper à la tête. Or, les chefs palestiniens, et parmi eux ceux qui avaient préparé et conçu la prise d'otage de Munich, se trouvaient à Beyrouth. Le Mossad, avec la participation de l'armée, a donc décidé d'effectuer un raid militaire à Beyrouth même. L'objectif principal étant bien sûr Yasser Arafat. Ouais. Un raid aérien ? Non, une attaque au sol. Les commandos dirigés par le futur Premier ministre Yehoud Barak sont venus de nuit par la mer et ont soudain investi un immeuble de Beyrouth où logeaient plusieurs dirigeants palestiniens. Un raid audacieux, hein, car il s'agissait quand même d'agir militairement à l'étranger. Oui, et comme d'habitude, tout avait été préparé à la perfection. L'effet de surprise a été total. Pour l'anecdote, signalons que Barak s'était pour l'occasion déguisé en femme. Curieuse. Et le bilan, là, plus sérieusement ? Trois hommes appartenant aux plus hautes instances de l'OLP ont été tués chez eux. Mais Yasser Arafat, lui, a échappé au tueur de justesse. Cette nuit-là, il ne se trouvait pas dans l'immeuble, mais dans un autre bureau de l'OLP qui a été aussi la cible des Israéliens. Mais alerté par un de ses gardes du corps, il a pu quitter le bâtiment avant qu'il ne soit détruit à l'explosif. Mmh. Les militaires israéliens n'ont donc pas visé un seul objectif. Non, ce que je comprends. Hein. Oui, ils en ont profité pour attaquer d'autres bâtiments où se trouvaient des fédéines. Et il y a eu en tout une trentaine de morts. Mmh, cette opération Printemps de la jeunesse, c'est curieux ça ? Non. Ouais. Donc cette opération signifiait que Golda Meir voulait passer à la vitesse supérieure, enfin dans la traque des Palestiniens responsables de Munich. Non. Le gouvernement israélien, en revendiquant officiellement leur aide, voulait montrer qu'il était résolu à lutter à outrance contre le terrorisme. Et c'était aussi un coup politique à destination de sa propre opinion. Ouais, il fallait indiquer que rien ne serait négligé pour venger les morts de Munich, C'est ça. Mais enfin, la série des assassinats individuels allait se poursuivre jusqu'au fiasco de Lillehammer, qui allait mettre un terme provisoire à l'exécution de la liste de Golda. En juin 73, c'est un intellectuel algérien, Mohamed Boudia, qui meurt dans l'explosion de sa voiture. Non, je me souviens, c'était encore à Paris, ça. Oui, le troisième assassinat en quelques mois sur notre sol. Et au fait, ça n'a pas provoqué de réaction de la France ? Non, aussi étrange que cela puisse paraître. Parce que personne ne pouvait douter que c'était le Mossad qui se trouvait derrière ces assassinats. Évidemment, oui. Et dans les services, mais pas seulement là, on commençait à en avoir assez de l'apparente impunité dont semblaient jouir les tueurs du Mossad. Et je peux bien avouer, à l'occasion de cette affaire de Lillehammer, la DST va prendre sa revanche. C'est-à-dire ? Eh bien, notre service de contre-espionnage va en profiter pour démanteler une partie des structures du Mossad en France, dans la plus grande discrétion, bien entendu. Oui. Alors, un mot quand même sur cette affaire de Lillehammer. Je sais bien que nous en avons déjà parlé, mais vous pourriez peut-être y revenir brièvement. L'une des cibles les plus importantes des Israéliens était un certain Salamé, qu'ils appelaient entre eux le Prince Rouge. À tort ou à raison, ils considéraient que c'était l'un des principaux instigateurs de Munich. Et à votre avis ? Ce qui est certain, c'est que Ali Hassan Salamé était très proche de Yasser Arafat, qu'il avait organisé sa garde personnelle, la fameuse Force 17, que c'était un spécialiste du renseignement, et enfin, qu'il avait organisé plusieurs opérations spectaculaires au nom de cet homme. Autant de raisons, donc, il le désignait à la vindicte du Mossad. Oui, mais Salamé était très malin. Et avec l'aide d'un agent double palestinien qui travaillait pour le Mossad, il a mis au point un véritable piège dans lequel sont tombés les agents de Mike Harari. Il les entraînait jusqu'en Norvège, dans la petite station de sport d'hiver de Lillehammer, où vivait un homme qui lui ressemblait beaucoup. Oui, un serveur marocain, c'est ça ? Oui, un certain Bouchiki. Et les Israéliens s'y sont trompés. Ils ont abattu ce pauvre Marocain en pensant qu'il s'agissait de Salamé. Oui, et la suite, une partie du commando a été arrêtée par la police norvégienne. Oui, vraisemblablement dénoncée par les hommes de Salamé. Oui. Cette affaire, vous vous en souvenez, a provoqué un véritable scandale. C'était la première fois que des agents du Mossad étaient pris la main dans le sac. Le deuxième scandale, c'est qu'au moins deux de ces agents, contre toute attente, ont avoué. Mmh. Et c'est après ce fiasco que Golda Meir a renoncé à faire assassiner les Palestiniens qui figurent encore sur la liste ? C'est exact. Et le chef du commando Harari a été muté en Amérique du Sud. mais nous en avons déjà parlé. Oui, oui, bien sûr. Oui. Toutefois, les Israéliens n'avaient pas oublié, et Golda Meir non plus. Elle avait quitté le pouvoir en 1974, mais peu de temps avant de mourir, à la fin des années 70, elle a demandé au nouveau Premier ministre, Menachem Begin, qui était pourtant son adversaire politique, de ne pas oublier sa fameuse liste. Begin l'a entendu ? Oui. Et il a ordonné au Mossad de commencer par liquider Ali Hassan Salamé. C'est lui qui avait humilié les services secrets israéliens quelques années plus tôt. Et Begin avait une autre bonne raison de faire assassiner Salamé. Le dirigeant palestinien était en effet devenu très très proche des Américains. Voilà, la CIA ? Oui. C'était devenu un agent ? Pas au sens strict du terme, non. Mais Salamé avait des rapports fréquents avec le représentant de la CIA au Proche-Orient. Il avait même passé un marché avec ce dernier en s'engageant à faire protéger les diplomates américains présents à Beyrouth. Et les Israéliens voyaient ça d'un très mauvais œil. Parce qu'ils craignaient un rapprochement entre les Palestiniens et les Américains ? Naturellement. Et un jour de 1979, à Beyrouth, en pleine guerre civile libanaise, alors que Salamé gagnait son bureau en voiture, une auto piégée a explosé sur son passage. Son véhicule a été pulvérisé, et aussi celui de ses gardes du corps, mais ça n'était pas fini. D'autres assassinats ? Oui, en 1989, c'est au tour du numéro 3 de l'OLP, Abu Jihad. Il avait un rapport avec Munich, lui ? Non, mais il était sur la liste. C'est un commando venu de la mer qui l'a assassiné à Tunis. Abu Jihad était très engagé dans les négociations de paix qui allaient déboucher sur les accords d'Oslo. C'est le premier ministre de l'époque, Shamir, qui a personnellement décidé de son exécution. Shamir, qui n'était pas très favorable, c'est le moins qu'on puisse dire, à ces négociations avec des hommes qu'il avait toujours pris pour ses pires ennemis. Et puis en 1991, ce sera le tour d'Abu Jihad. Qui était alors l'adjoint de Yasser Arafat. Le numéro 2 de l'OLP, c'est juste. Et on voyait en lui le successeur du chef palestinien. Et d'après vous, c'était aussi... L'homme, c'est bien ce que vous avez dit, Abu Jihad, l'homme qui avait apporté les armes du commandant de Munich. Oui, mais il y avait longtemps qu'il avait renoncé au terrorisme. On a dit que c'était Abu Nidal qui l'avait fait exécuter. Je sais, mais Abu Nidal jouait peut-être double jeu. Je suis à peu près sûr qu'il a été manipulé. Manipulé par les Israéliens. C'est évident, c'était pas la première fois. Car si on y regarde bien, à qui ont profité les crimes les plus sanguinaires d'Abu Nidal, sinon à Jérusalem ? Peut-être qu'on en reparlera un jour. Ah, volontiers, oui. Enfin, après Abu Jihad, il y a eu un dernier assassinat en 1992, une nouvelle fois à Paris. Qui Atef Bzesso, encore un proche d'Arafat, et qui, selon mes sources, n'avait pas été mêlé à l'affaire de Munich. Mais Bzesso, c'est sans doute ce qui lui a coûté la vie, entretenait d'excellentes relations avec nos services. Enfin, pour terminer, je voudrais souligner que, si on met à part le fiasco de Lillehammer... Aucune enquête n'a abouti. Aucun tueur n'a jamais été arrêté. Jamais, non. Mais qui avait vraiment intérêt à identifier et donc à poursuivre des tueurs appartenant au service secret israélien ? En tout cas, certainement pas la justice française. Or, pourtant, 4 de ces assassinats ont été perpétrés chez nous. Le cerveau de la prise d'otage de Munich, Abu Daoud, vit toujours, peut-être en Syrie. Il a donc échappé aux tueurs chargés de venger les 11 athlètes israéliens morts à l'occasion des Jeux Olympiques de 1972. Mais ce dirigeant palestinien, dont le nom figurait naturellement sur la liste de Golda, a failli être rattrapé par son passé. En 1981, alors qu'il se trouvait à Varsovie, derrière le rideau de fer, il a été victime d'un attentat. Lui en a réchappé, mais 12 personnes y ont perdu la vie.